190e chapitre, victoire. L'aéroplane de M. Voirin était tombé à moins de 200 mètres du monoplan allemand, mais les aviateurs français ne pouvaient apercevoir celui-ci qui était admirablement dissimulé derrière un bouquet d'arbres. « Je crois, » dit Walder, « que c'est le moment ou jamais de nous débarrasser de nos ennemis. »« Attendons, » fit Steiner. Pour moi, il n'est pas possible qu'on les ait remis en liberté. Le gouverneur était trop sûr de leur culpabilité. Il a dû se passer quelque chose. Peut-être se sont-ils évadés. Eh oui, je ne me trompe pas. Vois ces Chinois qui accourent là-bas dans la plaine. Ils sont à la poursuite de nos adversaires. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Des hommes armés venaient en effet d'apparaître dans la plaine. En apprenant la fuite des prisonniers, le gouverneur avait immédiatement mobilisé toutes les forces dont il disposait et les avait lancées de tous côtés. Lorsque l'aéroplane française s'était élevée, le gouverneur, qui de la terrasse de son palais observait ce qui se passait, avait eu un moment de désespoir, mais bientôt il s'était ressaisi en voyant l'aéro descendre rapidement aux portes de Tingai. Il était monté à cheval en compagnie d'une vingtaine d'officiers et avait à la hâte rassemblé les soldats qu'il avait pu rencontrer. Maintenant, une petite armée était à la recherche des aviateurs, et ceux-ci, par une affreuse fatalité, se trouvaient immobilisés dans la plaine. Dès que Fabien aperçut les soldats, il dit à M. Voirin, « Je crois que ça va chauffer et qu'il nous sera bien difficile cette fois de nous tirer de ce mauvais pas. » Grondard, consulté, répondit qu'il pourrait faire une réparation de fortune qui permettrait à l'aéro de repartir bientôt. « En attendant, défendons-nous » dit M. Voirin. Les Chinois excités par le gouverneur avançaient cependant avec méfiance. Les troupes de Tingai n'étaient pas bien aguerries. Elles n'avaient jamais vu le feu et ignoraient totalement ce qu'est la discipline qui fait la force des armées. Cependant, elles brûlaient de se distinguer pour mériter les récompenses que le gouverneur leur avait fait promettre. Une vive fusillade éclata tout d'abord, mais les fusils chinois, qui étaient des plus primitifs, ne portaient pas très loin, et les balles vinrent relabourer le sol à 50 mètres en avant de l'aéroplane. « C'est le gouverneur qu'il faut atteindre, » dit Fabien. « Si nous réussissons à le descendre, les soldats privés de chef s'enfuiraient comme des lapins. »« Vous avez raison, » répondit M. Voirin. « Mais le bonhomme est prudent. Voyez comme il se dissimule derrière les cavaliers qui l'accompagnent. Il finira bien par se découvrir. Alors, tant pis pour lui, je ne le manquerai pas. » Les Chinois avaient cependant changé de tactique. Au lieu de s'avancer en masse comme précédemment, ils avaient formé le cercle dans le but évident de cerner les aviateurs. « Vite, vite, Grondard !» clama M. Voirin. « Êtes-vous prêt ?»« Encore 5 minutes, » répondit le contremaître. « 5 minutes !» fit l'ingénieur. « Nous ne tiendrons jamais 5 minutes !»« Il faut nous espacer !» dit Fabien. « Sinon, nous allons être pris dans le cercle des Chinois !» Le conseil était bon. M. Voirin fit quelques pas, se dissimula derrière un buisson et là, son Winchester à l'épaule ouvrit le feu contre les ennemis. Fabien se tenait à quelque distance, quand tout à coup il vit un homme qui donnait des ordres aux soldats jaunes. « Cet homme ?» c'était Steiner. Il le reconnut parfaitement. « Oh » dit-il, « je comprends maintenant pourquoi les Chinois sont si bons tacticiens. C'est l'Allemand qui les conseille. Si je pouvais... » Et le Parisien se glissa en rampant dans les herbes. Personne ne le vit venir. Steiner, sûr de lui, tournait le dos. Il se tenait au bord d'un ravin où coulait une eau boueuse. Il venait sans doute de donner de nouvelles instructions à 4 ou 5 Chinois qui se trouvaient près de lui, car ceux-ci disparurent aussitôt. Steiner resta seul. Alors, rapide comme un tigre qui bondit sur sa proie, Fabien se dressa entre les herbes et d'une violente poussée envoya l'Allemand choir dans le ravin. Pendant que Steiner se débattait dans l'eau boueuse en hurlant comme un possédé, Fabien revint en courant vers l'ingénieur. celui-ci venait enfin d'abattre le cheval sur lequel était monté le gouverneur, et la panique commençait à s'emparer des soldats jaunes. Il y eut une dernière attaque. Les Chinois eurent même l'audace de s'approcher de l'aéroplane, mais sous le feu des Winchester, ils ne résistèrent pas longtemps et s'enfuirent dans toutes les directions. « Regardez-les courir !» s'écria Fabien. « Ne dirait-on pas qu'ils ont le feu dans le dos ? Quelle troupe ! Quel soldat ! Un homme avec un fusil en vient seul à bout !» Soudain, Francis poussa un cri. « Totao !» Le jeune Tonkinois avait en effet disparu. Les Chinois qui s'étaient approchés de l'aéro venaient d'enlever l'enfant. Francis ne réfléchit point. Un cheval privé de selle se tenait près de lui. C'était sans doute la monture de quelque chef qui, pour suivre le gouverneur, n'avait même pas pris le temps de harnacher sa bête. Le gamin de Paris sauta courageusement sur le cheval et se lança à la poursuite de ceux qui entraînaient Otao. Il avait à la main un revolver et était résolu à se défendre jusqu'à la mort pour sauver son ami quand soudain il poussa un cri. Là-bas, à une cinquantaine de mètres, il venait d'apercevoir Dick qui revenait en courant. Le brave chien tenait dans sa gueule le petit Tonkinois qu'il avait arraché aux mains des ennemis. Francis arrêta son cheval, sauta à terre et courut vers Totao. Dick, tout heureux de la bonne action qu'il venait d'accomplir, avait posé Totao sur l'herbe et le léchait en jappant. L'apprenti prit son jeune ami dans ses bras et courut jusqu'à l'aéroplane qui était maintenant prêt à repartir. Sans plus se soucier de Steiner qui se débattait toujours dans son bourbier, Fabien monta à bord et bientôt le monoplan s'élevait sous les yeux ahuris des Chinois qui, arrêtés à quelque distance, se demandaient sans doute quels étaient ces êtres fantastiques qui brisaient sans difficulté les portes les plus solides et tenaient victorieusement tête à une troupe d'hommes armés.